Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission en ce 23 mai 2013, voilà, j'allais dire 1980, je suis vraiment perdu. Donc voilà, une grosse émission encore, parce qu'il y a eu des grosses annonces cette semaine dans le monde du jeu, surtout dans le monde vidéoludique, parce qu'on va vous parler entre autres avec Monsieur Andrew Castegan de la Xbox One, l'annonce qui a été faite par Microsoft cette semaine pour sa nouvelle console. Bonjour Monsieur Castegan, comment ça va? Bonjour Monsieur Michaud. Et là, on va parler de ça cette semaine, on va également parler de trois jeux. Oui, j'ai joué beaucoup. On va parler de Bollywood Wannabe, du studio Crysaor, on a reçu la propriétaire la semaine passée. On va parler également des jeux Luigi Mansion 2 et de Fire Emblem sur 3DS. Les deux sont sur 3DS, en fait. Monsieur Castegan va nous parler de ça après qu'on ait méprisé Microsoft. Je fais un petit hint. Ben en fait, pas juste Microsoft là. Bref, c'est l'industrie. Voilà, donc on vous parle de ça cette semaine à Puissance Maximale. Je vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller sur notre site pour écouter nos anciennes émissions et écouter également nos podcasts, entrevues et lire nos nouvelles. Vous pouvez vous rendre également sur le Facebook. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver assez facilement. Allez appuyer sur le petit bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et on vous aime tellement qu'on grâce à ça, vous allez avoir les nouvelles les plus rapidement possible quant à l'émission, les nouvelles émissions en ligne et tout. Et même qu'avant, dans la journée, on vous dit de quoi on va parler, question de vous mettre l'eau à la bouche. Et évidemment, avec la page Facebook, vous avez accès tout en haut à la page Indiegogo de Puissance Maximale pour vous permettre de faire un don pour l'émission, pour permettre à l'émission de passer au niveau supérieur. On demande aux gens de nous aider pour nous offrir en fait la chance de changer le site internet de l'émission et nous permettre de passer au mode itinérance pour aller faire des émissions à l'extérieur des studios de Puissance Maximale plus souvent, en faire des émissions complètes comme on fait chaque année à Genimé, entre autres. Mais on pourrait le faire ailleurs aussi à Québec pour faire découvrir tout l'univers ludique et ça sur les ondes de CKIA FM à Québec. Et M. Castegan, comme à notre habitude, on va commencer par de la musique et on va commencer par le groupe Crampe en masse et la chanson Je me sens pas fraîche. Et oui, on va commencer par de l'humour douteux à Puissance Maximale aujourd'hui. Et vous entendez ça, bien évidemment, à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je t'aime bien, mais là il faut que je te parle de quelque chose. Entre tes jambes, y a du moisi, c'est supposé être rose. Ce que je vais te dire, c'est pas facile, ça se peut que tu trouves ça plate. Mais je suis tanné de me laver la langue avec du jus de tomate. Avant de te manger, j'aimerais ça te mettre du Beauvril ou t'émietter des biscuits soda en plein dans le mille. Ça serait meilleur avec un verre de liqueur. Quand on se retrouve dans la noirceur et que je sens ton odeur, ça me fait penser qu'il faut que je fasse le ménage du réfrigérateur. Car tu es comme une mauvaise bière, tu as un arrière-goût. Quand on copule, faut pas que je te brasse, sans ça tu fais de la broue. Fais-toi tremper la pantoufle dans du stuff pour dentier. Comme ça la couche de lichen va peut-être décoller. Ça serait meilleur avec un verre de liqueur ou de la dentine aux fruits tropicaux. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Donc, de retour à Puissance Maximale. Donc, c'était « Je me sens pas fraîche » de Crampes en masse. Donc, comme il a été annoncé au début de l'émission, on va faire un petit retour sur qu'est-ce qui a été présenté par Microsoft cette semaine, donc le 21 mai, si je me trompe pas, au niveau de la Xbox One, nouvelle console, dans le fond, qui devrait sortir cette année pour prendre la place de la Xbox 360. Avant de faire un retour, j'en avais parlé à Michael, je voulais vraiment... Il y a une petite vidéo satirique qui roule sur Internet qui s'appelle Xbox One Reveal 2013 Highlights, ce qui est à la base supposé être une vidéo un peu satirique de qu'est-ce qui a été abordé. Mais juste pour vous dire, moi, je me suis tapé la conférence au complet de Microsoft en rediffusion et je trouve que ça résume quand même très bien la chose. Donc, dans le fond, je vais vous faire jouer ça. C'est en anglais, mais c'est vraiment facile à comprendre. Fait que je vous fais jouer ça. Je vous reviens tout de suite après. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. TV experience. TV. TV and movies. TV. Xbox. Watch TV. TV. TV. TV. TV. TV. Watch TV. TV. TV and TV remote. TV experience. TV. TV. TV. TV. Sports TV. TV. TV. Anybody? TV, TV, MTV, TV, TV, TV, TV, Xbox, go home. TV, TV, TV, TV. Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sport, sport, television, television, TV, television, television, television, television, TV, TV, TV. Xbox is about to become the next water cooler. Sports, television, television, television. I'm thrilled to announce a live-action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sport. Television, TV, TV, TV, TV. For Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. An entirely new Call of Duty for the next generation. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. One of the fascinating new additions to your squad is a dog. This is someone you care about. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. All of the new story element. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Our new dog model is taken from high-resolution scans of an actual SEAL Team service dog. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Xbox, go home. Donc, vidéo avec un léger brin d'humour au niveau de qu'est-ce qui a été abordé. En fait, vous avez remarqué que ça parlait de TV et de sport et de Call of Duty. Ça résume quand même très bien. Parce qu'effectivement, lors de cette conférence-là, il n'y a pas eu vraiment d'annonce de jeu. Ils n'en ont surtout pas montré. Ben, ils en ont montré quelques-uns. Sauf que, dans le fond... On va commencer avec la base. Après ça, on va parler du jeu, ça te dérange pas. Donc, premièrement, Xbox One. troisième console. Christine, non. Xbox One. De cabochon. Il y a, comme j'ai déjà dit sur Facebook, le monde qui sont amis avec moi ont sûrement vu le commentaire passer, il y a vraiment des coups de 2x4 qui, j'irais 2x4 avec du barbelé en feu qui se perd dans le département no marketing de Microsoft. C'est quoi l'idée d'appeler votre troisième console Xbox One? Là, le monde, ils vont dire, ouais, mais là, c'est un concept marketing, c'est à cause que la TV, le multimédia, l'Internet, les réseaux sociaux, tout va être sur une même plateforme. Une plateforme. Tu sais, le nom de code de ta console était Xbox Infinity. C'était meilleur que ça. À la limite, appelle ça... Moi, j'aurais appelé ça Xbox 720, point barre. Ou Xbox 720, ouais. Ou Xbox 3, si ça te tentait tant que ça de changer la nomenclature de ton nom. Mais pas Xbox 1. Parce que ce qui va arriver, c'est que le monde, ils vont googler Xbox One. Et sur quoi qu'ils vont tomber? La première Xbox. C'est complètement ridicule. Bref, ça, c'est la première petite chose qui m'a premièrement... un peu froissé au niveau de la conférence de Microsoft. Deuxième chose... c'est quoi le trip de mettre de l'avant le fait qu'on peut écouter à TV avec la Xbox One? C'est comme, je m'excuse là, mais je suis capable d'écouter à TV actuellement. J'ai pas d'Xbox One dans ma chez nous. Mais c'est surtout le fait que je pense que ça te prend quand même ta box de câble. Mais ils vont aux États-Unis, ils vont offrir un service de TV. T'es genre, tu vas avoir des canaux que tu vas pouvoir t'abonner avec ton Xbox One, que c'est pas des postes de télé normal. T'es dans le fond de la web télé, là, comme qu'est-ce que tu peux trouver sur Internet ou que YouTube fait si bien. Mais l'optique, c'est que prendre la télécommande de la TV, puis faire Input, puis choisir Input 2. À ce que je cherche, je me suis pas cassé un doigt. Parce que je cherche, ça m'a pas pris un guide d'utilisateur pour comprendre que Input, ben aller sur Input 2, ça va me permettre de jouer à ma console. Puis, je m'excuse Microsoft, mais c'est pas la grand-mère qu'il faut qu'on y tape les boutons sur la manette pour pas qu'elle se fourre, qui va acheter cette console-là. Surtout qu'en plus, ils veulent avoir une Kinect en permanence ouverte. C'est ça, ça c'est douteux. L'autre c'est vraiment point, douteux. C'est que la Kinect va être là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça peut amener un doute au niveau de la protection de la vie privée, là. Ben, écoute, c'est ça, tu sais, c'est... Ça, c'est... Bref, c'est douteux. Un peu comme PlayStation, va falloir que la Xbox soit branchée sur Internet. Donc, sauf par exemple, la différence, c'est au lieu d'être tout le temps branché sur Internet, comme la PS4 le demande, cela, il va falloir se brancher une fois aux 24 heures. Moi, personnellement, tu sais, Microsoft dit, ouais, mais tu sais, c'est pour synchroniser les données avec le cloud, puis votre gamer score. Question de protéger vos données. Beaucoup de monde sur Internet, qu'est-ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que c'est une grosse manière pour Microsoft de vérifier si les jeux et le contenu sur votre console est légal. Parce qu'il faut savoir que Microsoft va de l'avant avec le fameux brevet qu'on vous avait parlé. Et oui, donc ce qu'on parlait avec le contrôle des jeux, vous allez installer un jeu dans votre console, il va être, ce jeu-là va être à ce moment-là rattaché à cette console-là jusqu'à la fin des temps, ce qui fait que vous ne pourrez pas prêter votre jeu à votre ami pour qu'il l'essaye. En fait, oui, vous allez pouvoir le prêter, mais à une condition, il va falloir que votre compte soit sur cette console-là. Autre point à soulever, le monde, ils sont comme, ouais, mais là, ça va, on va pouvoir mettre notre compte sur combien de console. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé. Puis si votre compte n'est pas sur cette console-là, ben il va falloir payer. Il va falloir que la personne paye dans c'est le fond des frais. Le plein prix, je pense même. Ça n'a pas été abordé. J'ai vu passer des trucs de même sur Internet. On parlait de plein prix. Mais peu importe le prix, là. On s'entend-tu que là, on vient d'arriver à un... On en parlait en début d'année, moi et Andrew, là. Ça, c'était un point de non-retour. Là, on vient d'annoncer officiellement qu'on prend vraiment les consommateurs pour des imbéciles. Oui, bien, c'est ça. Sauf que, t'es en même temps, l'affaire que je trouve vraiment drôle, c'est que, t'es inévitablement, on tombe dans le concept de guerre de consoles. Là, t'es, on va avoir les Sony fanboy, puis les Microsoft fanboy au niveau de quelle console est la meilleure, la PS4 ou encore la Xbox. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je suis un multiplateformeur. J'ai parlé de ma déception au niveau de la PS4. Oui, j'ai peut-être, il y a certaines personnes qui ont dit « Ouais, je trouve que t'as été sévère, tout ça. » Oui, du fait que je suis multiplateformeur, je vois autant les qualités que les défauts des deux consoles. Et oui, je peux me permettre d'être sévère sur certains points. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je trouve de plus en plus que les clics de fanboy sont rendus un peu comme qu'est-ce que je reproche aux fanboys de Apple. je vais m'expliquer. C'est que les fanboys d'Apple, j'enlève rien aux produits d'Apple. Sauf que des fois, ils prennent des méchantes mauvaises décisions marketing et tout analyste financier ou tout analyste marketing vont dire c'était pas un bon move d'Apple, ça. Mais eux autres vont faire Apple ont fait ça, ils sont innovateurs, c'est les meilleurs. Prosternons-nous devant Apple, prenez notre offrande en bidou-bidou et nous donnez votre cochonnerie, puis tout ça, puis tatati. Bon, les Apple fanboys, il y en a beaucoup qui sont de même. Mais là, ça s'en vient que la communauté gamer, on dirait qu'ils ont comme des œillères. Ils sont tellement vendus pour une marque qu'ils font la même affaire. Je m'excuse, mais moi, j'ai écouté les deux conférences, autant PS4 que Xbox One. Je vous dis, les deux, là. Et je regarde ça, puis je vois comme un tonne de merde avec une pancarte écrit « On vous fourre pour 500$. » Puis là, il y a du monde qui se met devant à l'idolâtrer comme si c'était une statuette en or d'un dieu Inca. T'sais, moi, personnellement, là, je vous le dis sérieusement, je suis sérieux, j'ai aucune intention d'acheter aucune des deux consoles, à moins qu'au E3, il y ait vraiment un revirement de situation, puis qu'une des deux compagnies fasse « Ouais, finalement, c'était pas une bonne idée, puis on a backtracké. » Mais encore, ça reste qu'ils ont l'idée en tête, et Sony l'ont déjà démontré, il suffit juste d'une mise à jour sur une console, et voilà, c'est en marche. Ben oui, parce qu'un autre truc, avec la Xbox One, on oublie la rétrocompatibilité. Donc, vos anciens jeux d'Xbox 360, ben... Vous voulez les mettre dans le péteux. C'est ça, si vous allez avoir votre Xbox 360 sous la main pour jouer. Mais moi, depuis... Ça fait un an qu'on en parle, Andrew, là. Moi, personnellement, c'est... J'achète plus de jeux de console neuve parce que je trouve que on en a pas assez pour notre argent pour 60$. Et déjà, à ce niveau-là, j'en achetais plus. Puis on avait déjà l'impression depuis quand même un bon bout qu'on n'est plus maître de ce qu'on achète. On n'est plus vraiment propriétaire. Là, on va s'en aller vers quelque chose où on sera plus propriétaire. On pourra même plus faire ce qu'on veut avec nos jeux. C'est au moins s'ils vendaient moins cher. Mais non, ils vont les vendre aussi cher qu'avant. Donc on va arriver chez nous, on n'aura plus le contrôle. Ça va être attaché à ça. Puis là, une autre ombre au tableau là quant à cette annonce-là. Mais tout le monde nous a dit, bon, il va se passer quoi avec l'industrie justement du jeu usagé? Et Microsoft a dit... Pas juste ça, location. Et location, puis là, Microsoft a dit, bon, on a un plan, mais c'est tout. Ça fait qu'on va attendre aux E3 ce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut dire qu'ils vont... Ils vont se partir une chaîne de magasins juste pour eux autres? Ou ils vont avoir un système, justement, de... Tu payes, t'achètes ton genre magasin usagé au prix que la franchise où tu vas l'acheter, que ce soit eBay ou peu importe, là, décide de te le vendre, puis tu reviens à la maison, puis t'as un petit coupon, un petit DRM à aller acheter pour pouvoir possiblement jouer avec ton jeu. Finalement, il va te revenir quasiment au même prix que du neuf. Ben, c'est ça, mesdames et messieurs. L'industrie, avec les problèmes que Sony avait eu avec le PlayStation Network il y a à peu près deux ans et demi, et tout l'argent finalement qu'on nous pompe là, avec les DLC et autres façons de nous faire croire qu'on a des jeux complets et avec des expériences de jeux complètes pour le prix qu'on paye, ben on en est rendu là. Parce qu'il y a du monde qui continue à acheter, même quand les jeux sont ordinaires, même quand on les vend à des prix de fou. Les consommateurs de l'industrie du jeu vidéo n'ont malheureusement pas encore compris qu'acheter, c'est voter, que c'est donner son opinion aussi. Vous voulez avoir votre fun? C'est bien beau, mais comprenez que quand vous achetez un jeu merdique ou que vous vous entrez dans... Justement, « Ah, pas de problème, moi, ça me dérange pas. » Ben, vous encouragez une industrie qui prend vraiment ses consommateurs pour des épais. C'est ça, mais en même temps, c'est que là, on est en train d'être témoin d'un phénomène qui, personnellement, je trouve ça de valeur que les joueurs soient trop imbéciles pour allumer, puis qui encouragent ça, parce que c'est ça qui arrive. C'est juste un exemple, là. On parle de Sony puis de Microsoft, mais il n'y a pas juste eux autres à pointer du doigt. Je vais prendre une compagnie au hasard comme ça, Activision. Ouais. Ils ont annoncé Call of Duty Ghost. C'est quoi là, la gimmick de sortir un Call of Duty à chaque année avec la même affaire? Comme là, ils ont présenté Call of Duty Ghost pendant l'affaire de Xbox One. Ils ont donné plus de détails. C'est le même maudit jeu, sauf qu'ils ont rajouté un chien comme compagnon. Wow! Hey, je vais m'acheter ce jeu-là pour vivre une expérience incroyable de guerre avec un chien qui va traîner mon équipement. Bravo, bravo. Puis le pire, c'est que le monde sont là, ils disent « Ah, ce jeu-là, ça va être de la merde! » Les fans de Call of Duty sont même à chaque fois. Puis c'est qui les premiers à faire la file quand le jeu y sort? C'est eux autres. C'est comme... Bravo, bravo. T'sais, c'est comme Duke Nukem Forever, t'sais, c'est la même maudite affaire. T'sais, le monde, le jeu il a sorti, t'sais, ça a pris quasiment 15 ans. Puis il y a du monde là, qui ont acheté le jeu, Puis que le pire, il y a encore du monde qui la jette parce qu'ils disent « Ah, il y a un principe de collection, tout ça. » Je peux comprendre, mais c'est de la merde. Si vous continuez à encourager l'industrie à sortir des merdes, vous allez avoir des merdes par-dessus merdes. C'est pas pour rien que le PC est en train de remonter puis que l'indie gaming est en train de devenir de plus en plus populaire, parce que vous pouvez avoir un jeu original, un jeu qui va avoir une bonne histoire, puis en plus encourager des développeurs indépendants pour combien? 10$. Puis vous êtes prêt à acheter un, puis en plus vous allez avoir probablement plus de rejouabilité, plus de fun dans peut-être le 5 heures que le jeu va vous donner pour 10$ versus le 5 heures que votre Call of Duty à 60$ va vous avoir donné. Ouais. C'est complètement ridicule, c'est aberrant. Non, l'industrie mainstream du jeu vidéo est carrément sclérosée, puis elle nous le prouve encore en faisant cette annonce-là, et je pense qu'elle va encore nous le confirmer au E3 cette année. On avait Nintendo qui au moins est honnête, reste dans son créneau de joueurs familiaux et tout, nous présente quand même une console honnête, sans plus pour le hardware, mais quand même qu'il y a un gameplay intéressant avec le gamepad, puis qui reste dans son créneau. Là, on a, après ça, ils nous parlent pas de DRM, puis ils nous parlent pas de trop de contrôle. Ben, en fait, les deux grosses compagnies s'en vont vers le cloud gaming, puis ils vont à fond, à plus de 1000 à l'heure. Nintendo, ils ont regardé ça, en fait, non. On n'embarque pas là-dedans. Je pense que Nintendo, puis ils l'ont dit, ils ont dit, c'est nuisible pour l'industrie du jeu. Ils l'ont dit mot pour mot comme ça. Même le PC a même pas pris le tournant du cloud. Il y a des services de cloud gaming, mais t'es, si tu payes pour avoir un service de cloud gaming, c'est correct, parce que tu sais dans quoi que tu t'embarques. Mais quand que tu t'achètes une machine à 600$ puis qu'on t'enfonce le cloud gaming dans le fond de la gorge de force, ça, personnellement, là... C'est que là, on vient finalement, là, notre expérience de jeu se base finalement sur la fiabilité que peut avoir un réseau d'une compagnie. Et on nommera encore l'expérience du PlayStation Network, le hacking qu'il y a eu. Et là, avec des annonces comme ça, vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas personne qui va réessayer de hacker et d'attaquer vos networks pour vous prouver que vos réseaux, chers fabricants et autres intrigants de l'industrie, que vous faites, ben que vos réseaux sont pas fiables, puis qu'à cause de ça, même pour Xbox One, là, on l'a vu, là, que ça va même empêcher les gens de jouer en single player. Vous rendez-vous compte? On n'est plus maître de nos machines, on est obligé d'être connecté tout le temps. Moi, je trouve ça d'une aberrance. En fait, je trouve ça dégueulasse. Franchement, là. Puis là, Puis en même temps, une autre pratique qui est là, c'est les fameuses manies des compagnies d'annoncer une feature sur leur console, une fonction, puis en plein milieu de durée de vie de la console, paf, on l'enlève. Sony l'ont fait avec la PS3, t'es comme la PS4, là, ils ont mis des affaires. Puis qu'est-ce qu'il nous dit là, que le trois quarts des affaires bénéfiques de cette console, veuillez noter que je mets entre guillemets bénéfiques, parce qu'on n'a pas toute la même définition de bénéfique. Qu'est-ce qu'il nous dit que d'un jour au lendemain, là, Sony feront pas plein de mise à jour, on enlève ça. Ils ont fait ça avec le programme Passport pour la PS Vita, chose que personnellement je trouve vraiment une des plus grandes gaffes monumentales, parce qu'ils ont laissé ça au Japon, ils ont enlevé ça aux États-Unis, puis en Amérique du Nord. C'est quoi cette affaire-là? Des inégalités entre les continents, puis en plus, ben, sans oublier la rétrocompatibilité, puis l'installation d'OS différents. Puis ils se sont coupés quand même un bon marché au niveau de la console, ils auraient pu en vendre beaucoup plus, mais les autres, ils pensaient balancer ça avec de la vente de jeux en double pour les gens qui l'avaient sur leur ancienne console. Ça a juste pas suivi. Le monde, ils ont juste gardé leur vieille console. C'est en plein ça. Puis je veux pas être plate, là, pour les jeunes Microsoft, là, Xbox One, là, tout dans une machine. On en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est jouer. J'en ai un. Moi, j'ai un PC, j'ai un vidéo, j'ai un Blu-ray à la maison. J'ai tout ce qu'il me faut pour être entertainé. Les gens ont tout ça à la maison. Ils vont pas acheter leur stock parce que t'as une nouvelle console, là. Surtout qu'ils vont nous présenter ça. Ça va juste être ordinaire à tous les niveaux. T'auras rien de spécialisé. Je veux dire, moi, quand tu vas avoir de la qualité à la maison, tu t'achètes de l'équipement spécialisé. Moi, j'ai mon PC à la maison là, qui fait à peu près tout ce que vos consoles proposent. Moi, une console, là, je veux mettre le jeu dedans, puis je veux jouer, je vais avoir là-dedans. Puis t'es, contrairement à ce que c'était dans le passé pour le PC gaming, maintenant, un bon PC de jeu, ça peut t'offrir 4 à 5 ans. Après facilement. 4 à 5 ans, une petite mise à niveau, puis on est reparti pour un autre 4 puis ans. On n'est pas obligé d'acheter une multitude d'accessoires tout au long de la vie de la console et de racheter, d'acheter un abonnement à un système en ligne pour pouvoir jouer en ligne. On branche notre PC, puis on a la PA. C'est ça, puis en plus, les jeux qui ont multiplateforme, autant PC que sur console, mais sur PC, il est généralement 10$ moins cher. Et en plus, il y a les modeurs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur les consoles? Puis souvent, habituellement, là, la bonne majorité, vous avez la chance d'avoir des jeux plus beaux. Exactement. Puis en plus, quelle est la plateforme qui a la plus grande bibliothèque de indie gaming? le PC. Et voilà. Voilà. Fait que c'est. Puis en plus, une plateforme de vente en ligne, Steam, qui est ma foi très solide. Moi, personnellement, là. J'ai rien à en redire sur le PC actuellement. Là. Mais là, dans les autres features, là, il va-tu avoir un Blu-ray côté hardware? Il va avoir un lecteur Blu-ray. Il va avoir un disque dur de 500 gigs. En passant, juste pour vous dire, tous les jeux vont avoir une installation obligatoire. Ouais. Donc, votre disque dur, ben, il va se remplir vite. Ah, puis surtout, le disque dur est de 500 gigs, mais vous n'avez pas 500 gigs d'espace pour mettre vos sauvegardes. Parce que le système d'exploitation, il est sur le disque dur de 500 gigs. Fait que c'est merveilleux à ce niveau-là. Comme on disait, prend une connexion quasi permanente. La Kinect est obligatoire. Contrôle vocal. On s'en s'actue, là. On peut-tu peser sur notre piton qui prend une fraction de seconde pour changer de poste ou pour avoir nos actions à place de crier Play Game of Thrones comme il était. On s'en En fait, c'est Xbox TV ou Xbox On ou Xbox Go Home. Hey, mais moi, ça me tente pas d'avoir l'air d'un schizo dans mon salon tout seul. Faut pas être plate, là. On a une manette, là. La maudite manie de vouloir enlever les manettes des mains des joueurs, là. Puis de leur faire faire avec leurs mains, là. Puis d'avoir des jeux d'une qualité assez douteuse. Même Nintendo ont compris. Hein, effectivement, avec la maudite tablette. Ils l'ont compris, ça amène un gameplay. Puis on a encore une manette dans les mains. Ils ont bien vu qu'ils allaient chercher un autre marché à ce niveau-là. Même Nintendo a compris ça, Calvados. Puis Nintendo, s'il y en a bien qui n'ont pas compris grand-chose dans l'industrie des dernières années. C'est bien eux autres. C'est bien eux autres. Moi, je suis franchement, avec l'annonce de la PS4, que j'étais vraiment pas enthousiaste. Ça renfonce le clou, là. Ça vient fermer le cercueil de l'industrie. Tu contrôles comme ça auprès des joueurs, là. Ça va. Non. Moi, je prévois effectivement, comme on l'a fait en début d'année, une descente assez fulgurante au niveau des consoles. Puis que le PC Gaming, effectivement, on paye un peu plus cher à la fin. Mais on peut faire tellement de choses de plus avec un PC qu'avec une console. Eux autres, ils essayent, là. C'est ça qu'ils essayent de faire, là. Ils veulent finalement transformer les consoles en mini PC. Ah oui! Excusez. Je viens d'avoir un flash. La raison pourquoi ils n'ont pas mis de rétrocompatibilité. Mon micro vrible, excusez. La rétrocompatibilité. Tu veux-tu savoir c'est quoi la raison, Mike? Est-ce que c'est par rapport aux pièces? Ils disent que l'architecture de leur console est pas prête et n'a pas été élaborée pour la rétrocompatibilité. Je vais répondre une chose. T'avais juste à la faire. Non, je vais répondre une chose. Bullshit. Pourquoi que je suis capable d'émuler n'importe quelle console sur un PC? Puis les deux consoles, ils ont pris une infrastructure PC. Bullshit. Si le système d'exploitation serait débarré, ben je pourrais installer n'importe quel émulateur sur cette console-là puis ça marcherait sur une plateforme PC. Et voilà. T'sais, ils disent, on prend une plateforme PC pour aider les développeurs pour que ça se rapproche plus de leur domaine qui est le PC. Puis après ça, tu me dis, je peux pas faire ça à cause des limitations. Pourquoi que le PC le fait? Ouais, mais là, un changement d'infrastructure, t'as pris une infrastructure PC! Cet argumentaire-là, là, on va aider les développeurs. On s'en sac que t'aides les développeurs. Ta console, là, t'avais du monde qui veulent jouer. Ça te tenterait-tu de la faire pour eux autres? Parce que là, ça fait comme deux générations là, qu'on a le droit à des consoles. On a ceux-là, la dernière génération, tu sais, des consoles pas fiables qui pètent, on est obligé de changer souvent, des problèmes avec les networks. Ça commence à faire tout court. Là. On est écœurés. Donc, voilà. Fait que sinon, ben, il y a eu un bout de la conférence où c'était EA qui est monté, qui ont dit EA Sport, on va avoir des jeux de sport qui vont ressembler comme si tu regardais la TV. Quel argument de vente qui est ressorti à chaque année. Tu sais, c'est que tu rouvres le tiroir des arguments, puis tu sais, il y a une petite odeur de poisson pourri, là. C'est cet argument-là. Une odeur de vieux réchauffé. C'est ça. Fait que tu sais, EA, rien d'impressionnant à ce niveau-là. Ils ont montré une vidéo de Forza pour dire regardez la qualité graphique de notre console. Puis là, ils ont mis une petite note, in-game footage. Mais on sait très bien que Microsoft a une notoriété pour stager leurs affaires. Fait que là, on sait pas si c'est réellement les graphiques du jeu ou la cinématique. Beaucoup de monde ont l'air de pencher pour de la cinématique. Mais bon, on peut pas se prononcer. Il est écrit que c'est du in-game footage. Mais, comme on dit, Microsoft a de la notoriété là-dessus. Et après ça, troisièmement, ben, Call of Duty. Ah oui, puis ils vont faire une série live-action de Halo que c'est Steven Spielberg qui va le réaliser, exclusif sur la Xbox One. Je pourrais pas m'acheter une Xbox One pour écouter ça. Non, vraiment pas. Tu sais, je trouve pas que le projet de série pas intéressant, là. Mais en quoi c'est un argument pour que je m'achète une machine à 500-600 pièces? Ah oui, puis la conférence Microsoft a commencé avec une très bonne joke. Laquelle? Oui, nous, Microsoft, numéro un mondial dans l'industrie du jeu vidéo. T'as pas l'air convaincu. Ben, en Amérique, peut-être. Mais en Asie, là. Bon, ouais, ben là. Son troisième. Oui. Pas d'un petit écart, là. D'un gros écart. Tout plein. La grande écart. Puis en Europe, ben, ils sont ex aequo à peu près. De pas beaucoup. Tu sais, il y a une semaine où c'est Sony qui en a plus, l'autre après c'est Xbox, puis tout ça. Mais on s'entend-tu que c'est l'Asie qui a la plus grande partie de la population? Voilà. Bref, comme vous pouvez comprendre, on n'est pas très enjoué face à l'annonce de l'Xbox One. Non, moi je peux en jouer à aucun des deux. Autant PS4 que Xbox, Xbox sûr, One. Là. C'est sûr qu'on a la chance de les tester quand même, on va le faire. Ok, mais... Mike, je vais décréter quelque chose. Là. À partir de maintenant, la Xbox One, on l'appelle Xbox 720 ou Xbox 3, je suis pas capable. D'accord. ça me lève les poils, là. Ouais, effectivement, c'est extraordinaire. Bref, Xbox 3. Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres détails qu'on pourrait donner rapidement avant de passer aux critiques de jeu, M. Castagnan? Non. Voilà. C'est pas mal de résumé. Vous avez entendu la critique de l'annonce de la Xbox One, mais ce que nous appellerons ici la Xbox 720 ou Xbox 3. J'ai une préférence pour Xbox 3 parce que c'est moins long à dire. Ah, c'est bon ça. Donc, vous avez entendu notre critique de l'annonce de cette nouvelle console de Microsoft. Bref, nous sommes plus que mitigés. On est un peu en colère, en fait, face aux annonces qui ont été faites. Et en espérant que vous n'irez pas acheter cette console-là à la sortie. Je réitère, Microsoft, si vous avez besoin de conseillers, contactez-nous. On a des têtes sur les épaules. On va le faire gratis, même. Oui, exactement. Offrez-nous logis et nourriture, puis il n'y a pas de trouble. On va aller vous voir, puis on va vous dire que vous êtes des cabochons. Bref, voilà. Autant Sony, hein? Je pense que je vais élargir ma proposition. Effectivement, bonne idée. Donc, merci, Andrew, d'avoir discuté avec moi donc, et des auditeurs de cette annonce des plus ordinaires de Microsoft quant à leur nouvelle console. Et on va continuer en musique, M. Castagnan. Oui, de tout... Tutu Blues. De Tutu Blues, et on parle de Tutu dans le sens de 2-2, donc le monde de l'eau dans Mario Bros. Et c'est une chanson de notre ami Brental Floss qu'on va entendre à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Time. name, I think I found you, baby girl. You're in someone else's castle. Why you do this to me, baby? I'm diving down, trying not to drown. I know it seems my quest is just a pipe dream, but wait and see. There's a prince for you, and it's a me. But until then, I'll keep on swimming in the sea. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après une chanson de Brental Floss, le Tutu World, en genre de blues, qui est une excellente chanson, une excellente reprise encore de Brental Floss. Et là, on va y aller en critique de jeu avec Monsieur Andrew Castegan et on va commencer avec le jeu Bollywood de Wannabe des gens de Crisaor Studio. On a eu Catherine Levac, propriétaire du studio, la semaine passée en entrevue, et on va parler de son jeu. On n'en a pas parlé des masses. Ouais, c'est ça, on a eu les commentaires. Et là, ça va être notre critique ravageuse. Ravageuse. Donc, n'achetez pas ce jeu, non, c'est une blague. Moi, j'avais eu la chance de jouer un peu, mais là, toi, tu as pu y jouer. J'ai joué quatre tableaux. Quatre tableaux. En deux modes différents. Parce que, dans le fond, je parle pas en mode différent, je parle pas en frais de difficulté. Là, je parle à cause qu'il y a deux façons de jouer différentes. Dont une que j'ai pas vraiment compris parce que j'ai eu le droit à un bug, mais je sais pas si c'est le jeu ou l'ordinateur. Ou si c'est juste moi qui ai mal regardé. Mais bref, pour faire une histoire courte, dans le fond, je vais juste dire c'est quoi le jeu. En fait, c'est un jeu de plateforme où vous devez vous rendre. Ben, une plateforme rythmique, en fait, oui. Où vous devez vous rendre d'un point A à un point B en évitant des obstacles tout en respectant le rythme de la chanson, en utilisant, dans le fond, les. Ben là, puisque j'ai joué avec un clavier, je vais pouvoir vous dire les touches du clavier. En fait, A, W, D pour vous déplacer. W pour sauter, bien sûr. Et les flèches directionnelles pour faire les mouvements de danse. Donc, dans le fond, il faut que vous déplaciez en sautant et en marchant et utiliser les flèches directionnelles pour au rythme, dans le fond, de la barre de rythme et que vous devez respecter le tempo. Et ça, pour ramasser le plus de points possible, points se reflétant par des gens qui vous suivent, dans le fond, le long du montage. Et vous devez ainsi... Finir le tableau. Finir le tableau. Dans le but où, dans le fond, vous êtes deux jeunes acteurs qui veulent passer à Hollywood et vous... À Bollywood, dans le domaine de Bollywood. Dans le domaine de Bollywood, ouais. Où, dans le fond, vous suivez un réalisateur que son script ne passe pas dans les studios parce que c'est un mauvais script et qu'il décide de faire à croire à ces deux acteurs-là que... Oui, oui, c'est quand même une méga production. Il engage une équipe de caméramans arabais pour faire le film dans des lieux... plus ou moins legit. Faut dire, expliquer rapidement pour ceux qui savent pas c'est quoi le Bollywood. En fait, le Bollywood, c'est un style de film de l'industrie du cinéma indien. Quand on parle d'Indien ici, on parle évidemment de l'Inde. Et où c'est... Ça s'apparente un peu quand même à la comédie musicale, où il y a beaucoup de chansons et de danses. Et pour nous, occidentaux, ça peut paraître un peu, comment dire, flamboyant et un peu too much, mais c'est comme moi je trouve ça quand même c'est drôle. Moi je trouve ça drôle, on en a parlé la semaine passée. Donc vous êtes dans cet univers là du Bollywood. Donc toi Andrew, ton appréciation sur une note de 10 éléphants Ganesha. 9.5. Oh, 9.5. Parce que je vais expliquer parce que je suis capable d'analyser ce jeu-là sur peut-être un niveau plus profond que certaines personnes. Tu sais, moi, mon métier, c'est je travaille en informatique et j'ai fait de la programmation, des choses comme ça. Je suis pas je suis programmeur, mais avant, j'étais pas programmeur. Mais tout ça pour dire que comme il a été abordé, ce jeu-là n'a pas été fait à partir d'un engin. Ça a été quelque chose qui a été programmé de A à Z. Et ça, je dois vraiment j'admire énormément Catherine, merci, j'avais un blanc. Comme on dit dans le métier, chapeau bas. J'admire Catherine parce que sérieusement, les menus, la façon que le jeu répond, c'est, je vais utiliser le terme, ça accroche. Les commandes répondent très bien, on n'a pas de délai, c'est précis. Non, t'as effectivement raison. Exactement. Les graphiques en 2D d'une beauté, moi personnellement, que je trouve déconcertante, là, c'est fluide. J'ai rien à redire là-dessus. Donc, une belle job d'animation. Comme je dis, j'ai joué 4 tableaux, j'ai eu l'occasion d'écouter 4 chansons qui ont été choisies pour, dans le fond, là, le jeu. Et je suis pas un grand fan de Bollywood. Là, personnellement, j'écoute pas de la musique de Bollywood de tous les jours. Mais tu sais, je connaissais le genre. Et personnellement, c'est des musiques qui fit très bien avec les tableaux. Et très agréable à écouter et à jouer. Fait que je vous dirais, là, très beau jeu. Puis le monde qui dit que ce jeu-là, il est overpriced ou trop cher pour 10$, mérite d'être fusillé à l'aube. Comme le veut la tradition. Merci d'avoir sorti ce patois, M. Michaud. Mais 10$, c'est rien. C'est pas cher à la base. Mais déjà, au départ, le monde qui sont allés au bonus stage, il y avait un coupon pour avoir 50% de rabais sur le jeu. Je ne l'ai pas utilisé par simple principe que, je m'excuse, mais ce jeu-là vaut plus que 5$. Moi, personnellement, ce jeu-là, il aurait été à 20$, puis je l'aurais acheté. Donc, je trouve que ce jeu-là est d'une assez bonne qualité pour que vraiment il vaille un 20$ facile. Et présentement, il est à 10$. Fait que le monde qui chiale puis qui dit qu'il est trop cher, vraiment, vous avez pas compris le concept de 1. Puis de 2, vous êtes imbécile. Allez acheter votre Call of Duty à 60$. Et en plus, il faut dire que Andrew est pas tant un grand amateur de jeux de rythme. Non? Non, c'est ça. Il a quand même assez aimé pour donner un 9.5 Ganesha sur 10. C'est bon. Écoute, pour finir sur cette chronique-là, parce qu'on a déjà deux autres jeux, là, si on a le temps, là. Donc, pour conclure, une petite conclusion pour. Allez l'acheter. Donc, même si vous n'êtes pas un fan de jeux de rip, il est le fun. Puis la musique facile, est bonne. Ouais. Il est facile à jouer, en fait. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand gamer. T'sais, vous pouvez l'acheter puis le montrer à vos enfants, à vos parents. Une prise en main hyper facile, puis rien à dire là-dessus. J'espère que le jeu va se vendre pour qu'il fasse le saut sur Android, iOS et les consoles de salon. Je le souhaite énormément. C'est un jeu qui a le potentiel d'être le fun sur toutes ces plateformes-là. Puis sérieusement, je souhaite bonne chance et je vous le dis sincèrement, là, allez l'acheter. Excellent. Allez sur Google, tapez Bollywood Wannabe ou allez sur Crisar Studio pour trouver ce jeu sur les internets. Autre critique, M. Castegan, on va maintenant parler de Fire Emblem 3DS. Oui, en fait, Fire Emblem Awakening. Papa. De son petit nom. Et là, on parle d'un jeu de. Un autre type de jeu que habituellement que tu ne. Ben en fait, il y a un type de jeu que j'aime pas, qui est. Et c'est pas parce que je suis pas bon, c'est juste parce que. Ben oui, en fait. En général, c'est à cause que je suis pas bon. Mais c'est juste parce que c'est un principe de jeu que je suis pas capable d'assimiler. Mais s'il y avait un genre de jeu dans ce style-là que je suis capable, c'est Fire Emblem. On parle ici du RPG tactique. Et RPG, c'est un bien grand mot parce qu'il n'y a pas de séance open world comme on pouvait trouver dans Final Fantasy Tactique où les combats étaient juste du tactique. On parle vraiment d'un jeu tactique pur et dur. Les sections de jeu, c'est du tactique. Il n'y a pas de j'explore. Là. C'est une carte, on choisit une destination, il y a un chapitre, une cinématique. Au jeu, on fait le combat. Vous voyez un peu le principe, là, c'est straightforward. Sauf que j'aime assez l'univers de Fire Emblem pour outrepasser le fait que c'est pas vraiment mon genre de jeu. Et en même temps, le tactique, c'est pas un gros tactique compliqué comme Disgaea que j'ai déjà parlé il y a bien des années, à puissance maximale où on pouvait faire des combos de fou avec des aspects tactiques. Ça, je suis aucunement capable de jouer à ces jeux-là. Tandis que Fire Emblem, strike to the point, ton personnage déplace de temps, les lances sont meilleures contre les épées, puis les épées sont meilleures contre les X autres armes. Je me rappelle pas exactement de l'arborescence. Tu sais, mais t'es le principe, c'est que t'as des armes qui sont fortes contre d'autres armes, un peu le principe de roche-papier-ciseaux. Fait que t'sais, l'aspect tactique, c'est pas le tant le ça déplacement. Ça t'empêche pas de jouer finalement, parce que des fois, quand les systèmes sont trop lourds, on fait juste prendre la moitié du jeu pour apprendre comment ça joue, puis finalement on a fini, bon, j'ai pas eu le temps d'avoir du fun. Ben c'est ça, c'est à côté, il y a différentes armes dans le fond qui ont plus de force pour faire plus de mal aux autres personnages, et c'est le même principe. Mais tu sais, c'est juste le principe, c'est que si tu te fais attaquer par une arme que toi, ton arme est plus forte que la sienne, ben ça va, t'as un plus haut pourcentage de chance de faire des counter-attaques, donc de contre-attaquer, et en plus, tu vas faire plus de dégâts que qu'est-ce que lui t'a fait. Fait que tu sais, c'est un peu le principe de roche-papier-ciseau, puis tu sais, mettons que t'as une lance contre une épée, tu peux... mettons une épée contre une lance, tu peux prendre le guess, t'es dire t'es mon épée fait plus mal, je vais peut-être le tuer avant qu'il contre-attaque, mais t'es, c'est une décision à prendre, puis t'es, c'est un petit aspect que t'es, personnellement je trouve que ça alourdit pas le jeu, puis du fait que t'as vraiment un barème simple qui dit telle arme est plus forte que telle arme est plus forte que telle arme, et que chaque arme a leur statistique à eux, moi personnellement je trouve que ça équilibre bien, puis c'est simple à assimiler pour le joueur. Tandis que Disgaea, t'as pas... mettons, t'as une épée, puis un arc. L'arc peut tuer l'épée, même si t'es au corps à corps. Juste pour vous donner une idée, là, c'est vraiment arme contre arme. Statistique, baston contre baston. T'es. Type contre type. Tandis que là, il n'y a pas ça. Que t'es ça, je trouve ça très bien. Puis l'univers de Fire Emblem, les personnages, c'est très riche. T'es, on parle beaucoup d'univers parallèles, on parle de quêtes épiques. On voit beaucoup de personnages récurrents. Comme exemple, un des personnages récurrents de Fire Emblem Awakening, c'est Marth. Personnage qu'on avait vu aussi dans Smash Bros. Melee, qui était avec son frère Roy, qui sont vraiment les deux personnages probablement les plus populaires de la série là, Fire Emblem. Ben, Marth vient faire son retour dans Awakening par un principe de monde parallèle et de soldats zombies. Du moins, je sais pas si sont réellement zombies, parce que je suis pas rendu assez loin dans le jeu, mais ils agissent et ils ont de l'air d'être des zombies. Fait que moi, c'est un bon argument. Et je vous dirais, cinématique d'une beauté incroyable, genre un petit style cel shading animation avec un 3D quand même très très très bien rendu. Ça, habituellement, des fois ça peut être mal maîtrisé, puis des fois ça donne des résultats assez ordinaires, mais là tu as l'air de me dire que... Non, très bien maîtrisé, puis en plus j'ai pour le fun, parce qu'il y a certains jeux que vraiment ils sont plus beaux avec l'effet 3D de la 3DS, puis quand on le ferme pour jouer en 2D, c'est flou, puis c'est pas si beau que ça. Celui-là, un ou l'autre, c'est très très beau. C'est le fun, tu me bailles dans la face, Mike. Je m'excuse. Je suis plate de même. Là. Non, c'est la fin, la semaine qui se termine. Je pouvais pas m'empêcher de faire un clin d'œil. Mais bref, tout ça pour dire que dans le fond, autant sur le mettre en 2D qu'en 3D, le jeu est d'une netteté incroyable. Peut-être une des seules choses qui m'a un peu déçu, c'est que la phase de jeu sur la carte où on déplace nos unités, c'est du 2D et quand même, ma foi, minimaliste. Je pense qu'il aurait pu aller une petite coche au-dessus. Par exemple, les animations de combat sont géniales. T'sais, on voit vraiment avec un 3D, c'est très beau. Les animations sont fluides, mais je trouve que la battle map aurait pu peut-être pu avoir un peu plus de détails. Mais si on fait ça, j'ai aucune idée combien de temps le jeu est dur. J'ai pas fait de recherche, puis je voulais pas non plus me spoiler. Mais le principe, c'est que si on fait ça dans le principe de faire un jeu vraiment long, puis en général, Fire Emblem sont quand même très longs, je peux pardonner ce fait-là. Mais tu sais, je trouve que pour la capacité que la 3DS a versus la capacité que les cassettes en soi sont capables d'emmagasiner, je trouve qu'il aurait peut-être pu gâter un peu le joueur en mettant plus de détails un peu sur cette battle map-là. Mais pour l'expérience de jeu, ça n'a pas un très grand impact. Donc, combien, comment on pourrait dire ça? Combien d'emblèmes de feu donnes-tu sur 10 pour ce jeu? Je dirais 8. Un 8 sur 10 pour Fire Emblem Awakening sur la 3DS. Merci, M. Castagani. On y va avec le dernier jeu parce que le temps file et on va en parler. On va parler de Luigi's Mansion 2 sur la 3DS également. Oui, en fait, c'est Luigi Mansion Dark Moon. J'ai un blanc pour le reste. Je vais vous en revenir avec ça. Mais bref, deuxième jeu dans la série de Luigi Mansion. Jeu qui avait fait son apparition, dans le fond, sur le GameCube à l'époque. Jeu qui avait eu des critiques soit excellentes ou mitigées. C'était vraiment un cas de j'aime pas. Parce qu'en fait, c'était le but de Luigi Mansion, le premier, c'était on jouait Luigi, Mario avait disparu dans une maison hantée. On trouvait un aspirateur et c'était trouvons Mario et battons-nous contre des boss et faisons un Ghostbuster de nous-mêmes, mais avec, dans le fond, Luigi. Donc, c'est Dark Moon. Luigi Mansion Dark Moon. Donc, dans le fond, c'est un cas de j'aime pas, parce qu'il y a du monde qui aimait ça. Moi, personnellement, j'ai aimé ça parce que c'est un genre de petit jeu humoristique, d'exploration, parce qu'il fallait explorer vraiment la maison, capturer les fantômes, puis Luigi, c'est une moumoune, fait que c'était très drôle de voir ses réactions quand il croisait des fantômes, mais il y a du monde qui a pas aimé ça, comme il y a du monde qui ont adoré ça, comme moi. Fait que quand j'ai vu que Luigi Mansion sortait sur la 3DS, mais j'étais enthousiasmé, et je vous dirais que j'y ai joué et je suis partagé en frais d'émotion. On dirait que j'ai comme pas eu la réaction que beaucoup de gens ont eue. Parce que beaucoup de monde qui ont joué à Luigi Mansion ont dit « Ah, mon Dieu, c'est génial! » Puis c'est un des meilleurs jeux sur la 3DS, puis tatati tatata. Puis moi, j'ai joué, puis j'ai pas retrouvé le feeling que j'avais eu avec Luigi Mansion 1. Parce que c'est trop répétitif, ça ressemble trop au premier ou... Non, ça peut paraître niaiseux, mais il marche avec un principe épisodique. Dans le fond, exemple, t'as le manoir, tu as une liste de missions, mais c'est pas des missions en fait, c'est des chapitres quand même très courts, où dans le fond, on est dans le manoir, on peut se promener, mais il y a des zones qu'on ne peut pas aller, parce qu'il n'y a pas eu tel événement X qui s'est passé, fait qu'on n'a pas pleine capacité d'exploration. Et, dans le fond, ça rend le jeu linéaire. Dans le fond, c'est que il y a un tel événement, t'as une cinématique, un fantôme qui part avec telle affaire, t'as besoin de cette affaire-là, fait qu'il faut peut-être le chercher. Puis ça enlève comme l'aspect exploration que Luigi Mansion 1 avait. Puis je trouve que le fait qu'il y ait ce genre de principe-là, ça casse le jeu parce qu'il y a des événements, puis on n'arrête pas de se faire ramener au laboratoire de Igat, parce que là, t'as retrouvé tel item, puis là, Igat, il dit « Ah, tiens, je te donne la clé. » C'est que la continuité est pas là, finalement, dans la storyline. C'est ça, puis là, ils ont rajouté comme plusieurs lieux. Puis tu sais, moi, je sais pas, j'aurais trouvé ça cool que oui, tu peux te déplacer en différents lieux, mais tu sais, que t'ailles pas tout le temps cette coupure-là où ils te ramènent au laboratoire. Tu sais, moi, ça me dérange pas qu'il y ait un communicateur qui apparaît, puis que le bonhomme me parle, puis il dit « Ah, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, je vais travailler là-dessus, je t'en reviens plus tard, puis là, tu peux te promener, puis aller chercher les cristaux. » ou l'affaire, mais là, t'as des items à chercher, puis là, il y a des items qui sont accessibles uniquement dans le chapitre 1-2, puis là, faut que tu te retapes toutes les cinématiques, faut que tu te retapes tous les événements, puis faut que tu te retapes toute la même mission, parce que si tu trouves un cristal, tu peux pas le garder en faisant quitter. Faut vraiment que tu refasses tout le chapitre. Puis là, en plus, il y a du ranking, fait que là, dans le fond, il te donne un ranking de 1, 2 ou 3 étoiles, puis là, je trouve ça comme rajouter un aspect arcade qui était pas nécessaire dans cette franchise-là. Mais tu sais, le gameplay il est solide, les graphiques sont solides, le jeu, tu sais, le cœur de Luigi Mansion est là. Sauf que j'ai comme l'impression qu'on rajoutait une surcouche par-dessus qui était pas nécessaire. Qui apporte absolument rien au jeu, puis même, d'après ce que tu me dis, qui détériore le gameplay. Mais c'est ça, c'est tu sais, je comprends qu'ils ont voulu mettre plus d'histoire, mais... Pourquoi tout le temps couper le jeu pour nous ramener, nous mettre une cinématique, nous faire parler, blablabla, blablabla, nous ramener à l'entrée on veut jouer. Du tableau? T'es à côté, exemple, d'un cristal, pis là, t'es comme, exemple, il y en avait un que j'avais pas envie d'aller chercher dans le manoir, le premier manoir, puis j'ai bien beau refaire tous les chapitres, je ne retrouve plus cette place-là, puis j'étais allé une pièce trop loin, puis j'ai complété la mission, pour avoir su que ça allait faire ça, j'aurais pris le temps qu'il aurait fallu pour trouver le moyen d'aller chercher ce cristal-là. Puis à cause de ça, je le retrouve plus. Puis moi, personnellement, ça me tente pas d'aller sur des facs pour aller voir où est-ce qu'il se trouve. Fait que, tu sais, il y a ça que je trouve plate, d'autant vouloir en rejouer les chapitres pour vivre les... Là, je suis comme, pourquoi je peux pas aller dans le manoir? Tu sais, à la limite, s'ils font ça, une fois que t'as fini le chapitre puis t'as débarré l'autre tableau, pourquoi tu mets pas un mode où tu peux te promener dans le manoir? Tu sais, sans qu'il y ait rien, à part les fantômes habituels, mais tu sais, juste explorer. Tu sais, pour aller chercher les affaires qui te manquent. Tu sais, je trouve que ça serait bien. Ça éviterait de tout refaire à chaque fois. Et voilà. Merci beaucoup, Endo. Et combien de fantômes sur 10 donnerais-tu à Luigi's Mansion? 7. Un 7. Écoute, ça a été en dégradé, cette trilogie de critiques. Donc, merci, Endo, de nous avoir parlé de Luigi's Mansion Dark Moon sur la 3DS. Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Je tiens tout d'abord, bien évidemment, à remercier Andrew Castagan pour ses critiques et pour... Son esprit critique avec qui j'ai pu partager sur mes impressions sur la Xbox One, qu'on appellera ici la Xbox 3. Merci Andrew d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres... autres entrevues. Allez sur Facebook, donc Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver rapidement et vous allez aussi trouver notre campagne de financement pour l'émission Puissance Maximale. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est une campagne de financement qui c'est juste pour l'émission Puissance Maximale, ce n'est pas pour la station Sequoia, c'est vraiment que pour nous et pour nous permettre finalement de la refonte du site internet et pour l'achat d'équipement pour des reportages en itinérance. Donc on va se promener partout au Québec pour aller voir les événements geeks et vous les rapporter ici à Puissance Maximale. Donc sur la page Facebook, vous avez le lien pour aller faire un don. On vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là et on vous rappelle et on vous dit comme à chaque semaine de passer une excellente semaine de jeu. All right. Take it home. Solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we One, two, three, four, yeah!